Les autorités sud-coréennes ont récemment accusé l'action juste d'un jeune pour l'incarcérer. Le jeune avait châtié l'administrateur général de la Fondation pour la réconciliation et les récompenses, qui s'était mis à la tête de distribution d'1 milliard de yens offert par le Japon au nom de fonds de condoléances aux victimes de l'esclavage sexuel au service de l'armée japonaise. Le 6 courant, la direction de l'Action pan-nationale pour condamner Lee Myung-bak et Park Geun-hye de Corée du Sud a publié une déclaration contre les autorités qui incriminent la punition du traître pro-japonais.